Mickaël à la radio. Salut, c'est Jean-Roch. Tous les matins, j'écoute Mickaël. J'adore Mickaël. Non, en fait, j'adore pas, il est relou. Radio. Ce matin, Toff a décidé de se faire tatouer avec son amoureux. Oui, bon voilà, sauf que mon amoureux c'est un pigeon. Oui, c'est ça. Oui, donc tu fais ça parce que tu as vu un pigeon. Oui, c'est un pigeon. Oui, tu as vu qu'il y avait une vieille en fait qui s'était fait tatouer sur la poitrine. Ne me réanimez pas. C'est ça. Et donc du coup, bah ça m'a donné l'idée de prouver tout mon amour à mon chéri. Voilà, qui est donc un pigeon. Oui, mais l'amour ça ne se commande pas. Tu es ouais, jaloux. Tu es un bon. Vieux jaloux. Mais je pense qu'il est un peu aigri comme mais ça. Mais oui, allez, on appelle à Libramont. On a appelé à Bruxelles tout à l'heure, on va à Libramont là. On va à Libramont. Bon, allez, c'est parti, on y va. Et arrête d'être jaloux. Bah, je suis pas jaloux, t'inquiète pas. Bonjour. Oui, bonjour, je suis bien au salon de tatouage. Oui. Oui, bonjour madame. Voilà, en fait, je vous appelle parce qu'avec mon compagnon, mon fidèle, nous souhaiterions nous faire tatouer tous les deux un demi-cœur avec le prénom de l'autre. Oui. Oui, hein, donc vous voyez, en fait, ce sera un demi-cœur et puis avec une espèce de petite bandelette sur laquelle il y aurait mon nom d'abord, hein, sur son poitrail, ce serait Robert. Et puis moi, je mettrai sur mon bras Titi. Oui. Oui, c'est possible de faire ça? Ah oui, c'est tout à fait possible, oui. Oui, non, parce que, voilà, en fait, avec mon pigeon, on est très amoureux depuis bientôt 2 ans maintenant, hein, quand je l'ai récupéré sur les trottoirs parisiens où il souffrait, il était boiteux et aujourd'hui il est en pleine santé. Qu'est-ce que vous appelez un pigeon? Ah, un animal? Oui, c'est ça, c'est-à-dire, vous savez, un oiseau à la... Ah non, les règles d'hygiène l'interdisent, monsieur. Ah oui, l'oiseau à la grise robe, tout ça, vous savez. Ah oui, non, oui. J'avais pas compris, en fait. Ah bah oui, mais bon, parce que vous m'avez dit que c'était possible avant, donc on peut s'arranger. Parce que je ne peux pas prendre le volatile dans la pièce, monsieur, c'est ça le problème. Ah, si vous voulez, vous pouvez venir faire ça chez moi. C'est-à-dire que... Je ne fais pas ça à domicile, je ne me déplace pas. Ah oui, mais c'est gênant parce que vous savez, c'est un pigeon très bien éduqué. Et vous savez, il est très cordial, très sociable, il n'y aura aucun problème. En plus, ça fait longtemps qu'on est amoureux et on a vraiment envie de se prouver cet amour au travers de ce tatouage, vous comprenez? Ah oui, je m'en doute, oui. Voilà, vous allez briser un couple comme ça, en plein dans son envol, et ça, c'est dommage. Oui. Donc voilà, c'est pas bien ce que vous faites, madame. Non, mais tant pis. Alors, je suis parmi les autres tatoueurs, alors. Oui, c'est ça que je regrette, moi qui avais mis tous mes espoirs en vous. Ah oui, mais là, je suis désolée, mais c'est non. C'est oui. Bon, bah écoutez, tant pis. Je ne peux pas vous aider de ce côté-là. Bon, nous allons aller nous jeter de la fenêtre. Vous verrez bien, il y en a un des deux qui va survivre. Je vous laisse deviner lequel. Voilà. Allez, merci, au revoir. Elle en a rien à foutre. Hein. Ah ouais, elle s'en tape. Hein. Je vais me jeter et elle s'en fout. Elle a dû dire qu'elle avait. Voilà, c'était un dingue, qu'il fallait pas trop perdre son temps. C'est Mickaël à la radio, sur Fun Radio. Plus excitant que la caféine, plus vitaminé que le jus d'orange. Tous les matins, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Bon, alors, on a Younes? Non, Younes ne veut pas. Bah, c'est parler. Pas grave, appelle Christina directement. Alors, hein, prenons un raccourci immédiatement. Alors, hein. Ah, Younes est là. Ah, voilà, Younes! Oui. Ah, voilà, Younes. C'est Toff qui t'a raccroché au nez ou c'est toi? Non, c'est le standard qui a sûrement déconné. Ah, ouais, bah voilà, ça doit être ça. Alors, hein, bah, rassurez-vous, on devrait en avoir un nouveau bientôt. Comme ça, vous êtes au courant. Ah, non! Mais oui, il était temps. Ouais. Par contre, c'est déduit de ta paye. Oui, ce sera déduit de ta paye, Julien. Je suis désolé, vous n'aurez pas assez d'argent pour en acheter. Donc, hein, en fait, alors. On a pris un vieux combiné avec l'écran. Tu serais bien étonné. Ah, non, mais je n'ai pas assez d'argent pour ça. Allez, c'est parti. On va donc appeler Christina, c'est ta copine, Younes, pour lui faire la déclaration express, d'accord? D'accord. C'est ta copine ou c'est ta future copine? Bah, en fait, je sais pas trop ce qu'elle pense de moi. D'accord. Bon, ah, tu l'appelles. Peut-être une future. Peut-être. Tu l'appelles. Je m'appelle Younes. Tu l'appelles, tu lui dis voilà, j'ai un truc à te dire, et puis nous on enchaîne derrière, d'accord? D'accord. Allez, c'est parti. Enfin, si ça compose, vraiment ça a du mal à composer. Hein. Il est temps que le nouveau standard arrive. Hein. Non, il est temps que Toff s'achète de nouveaux doigts. Oh, peut-être aussi. Allez. Des doigts magiques. Tu savais ce que je peux faire avec mes doigts. Ouais, on va pas savoir. Christina? Oui. Christina, salut, c'est Mickaël, t'es en direct à la radio sur Fun Radio, je suis avec Younes, mais comme il a pas entendu que tu décrochais, en fait, il voulait te dire un truc, donc t'as 2 secondes, là? Oui, ça prend. Alors, écoute. Dédicacé à tous les branders du monde entier. Ceux qui guérent pas, qui savent que ça fait chier. Je sais que je te gratte depuis des mois, mais tu sais bien que c'est à cause de toi. Jolie baby. pouvait pas s'empêcher. Ces enculés de pigeons viennent de chier sur moi. Prends à toi, mais pourquoi tu vas sortir avec moi? Parce que je roule pas en BM mais en Lambda. Allez, viens par là, tu verras ça. Il reste que tu kifferas ça. Quand je viendrai sur toi, tu seras fait crêt. Quand j'aurai fini avec toi, wow, tu seras tout plein de contraire de l'eau. Non, mais t'inquiète pas, je vais m'occuper de toi. Te regonfler en soufflant dans ta. Non, ça va aller, c'est bon, on a compris. Enfin, c'est bon, ça va aller. Bon, qu'est-ce que tu en as pensé, Christina, cette petite chanson d'amour? C'était là, Sébastien. Ah, c'était mignon. Sébastien Hop qui voulait absolument mettre un effet sur sa voix, donc on avait l'impression qu'il était dans ses toilettes. Mais j'ai chié, j'ai chanté dans les chiottes. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Bon, Christina. Oui. Ah ben voilà, ça va, ça t'a plu cette petite déclaration express? Oui. Oui. Bon, on n'est pas sûr quand même. Bon, je vais quand même te laisser au téléphone avec Younes, on va voir comment ça va se passer en antenne, hein, d'accord? Oui, oui. Voilà, gros bisous à toi, Christina. Bisous. Salut, ciao. C'est Mickaël à la radio sur Fun Radio. Mickaël à la radio. Pour un monde sans relou. Oui, c'est le rêve de toute fille en général dans ce pays. Et même sur Terre, hein, en règle générale. Mais oui. 0473-86-0013. C'est le numéro de la ligne anti-relou. Le numéro que vous devez retenir par cœur et le numéro que vous devez donner à tous les relous de Belgique qui viennent peut-être vous tenir la jambe quand vous êtes en soirée, en boîte, en discothèque, en, avec des amis peut-être aussi. Ou l'ami d'un ami qui est relou et qui est seul, qui a une tête de geek. Non mais c'est vrai, oui. Qui est là, qui vient et qui vous tient la jambe, qui vous tient la jambe alors que vous n'avez qu'une seule envie, c'est de courir loin de lui. Eh bien, vous lui donnerez ce numéro de téléphone, il croira donc que c'est le vôtre, sauf qu'il tombera bien sûr chez nous. 0473-86-0013, on écoute le premier message. Hé hey Sabrina, quoi, c'est une blague américaine ou quoi? T'es où putain? C'est quoi, c'est la fête du slip ici ou quoi? Ça fait 2h30 que je t'attends, hé hey. Tu fais quelque chose. Bah, donc il y avait quelques petits problèmes. Je pense qu'il avait Gilles de la Tourette. Oui, il appelait. Il commence à s'énerver c'est vrai, là. C'est vrai, tout d'un coup comme ça il pète un plomb. On n'est pas à l'abri. On n'est pas à l'abri. Attention, deuxième message. Coucou Jasmina. Jasmina. Voilà, apparemment t'es pas disponible pour l'instant. J'ai attendu ton appel toute la journée. En nouvelle, je me suis permis de tout téléphoner. Et voilà. Allez, bisous, je te laisse. Bon, ce qui est bien chez le mec, c'est que déjà il se trompe de prénom, hein, Jasmina, Janina, Thérèse, on sait pas très bien. Attends, si tu ne connais pas le prénom de la fille, n'appelle pas la fille. Voilà, c'est ça. En tout cas, ou alors ne cite pas le prénom. Oui, ne cite pas le prénom, effectivement. Et puis surtout, le truc bien, bien romantique, déjà le mec appelle des toilettes, hein, il faut le savoir, vu l'écho qu'il y avait. Et puis surtout, avec son pote derrière. Oh, dis donc, t'as fini ? Ouais, j'arrive. Très sympa, je dois raccrocher, j'arrive. Je suis désolé. Il se cache pour appeler. Voilà, c'est ça. Et bientôt, il se cachera, mais pour mourir, je pense, tellement il n'aura jamais de réponse. D'accord, merci, c'est dommage. Merci, Mickaël. Allez, troisième message. Mickaël, j'ai dit. Ah bon. Non, je veux pas taper. Désolée, c'est moi. Voilà, c'était pour te dire que je pensais très fort à toi. Et j'espère qu'on se reverra bientôt. Je t'aime. Oh, je t'aime. C'est Mickaël à la radio, sur Fun Radio. Mickaël à la radio. C'est Homer Simpson sur Fun Radio. Alors comme ça, tu crois pouvoir réveiller tout le monde, hein? Eh ben, essaye de me réveiller déjà, espèce de petit... Mickaël, à la radio. Alors, nous allons prendre maintenant nos deux champions du monde, notamment Sébastien Loeb, qui est en direct de je ne sais où pour faire un petit Mickaël réveille la Belgique avec le mégaphone. Eh oui, Laurel et Hardy, ils sont là. Allô, Sébastien Loeb. Oui, je suis à l'altitude 100, là. Tu m'entends, Mickaël? Oui, je t'entends bien, ouais, c'est très bien. Donc l'altitude 100, c'est pas loin. Ouais, c'est pas loin de la radio. Il a pris le mégaphone et il veut réveiller tout le monde. Ah, bon, ça marche voilà. Bien, on l'entend, Docteur Caillou. Dans la librairie, il va un peu foutre le bordel, quoi. Dans la librairie, voilà, d'accord, ok, très bien. C'est parti. Allez, vas-y. Oui, bon, enfin, s'il pouvait au moins crier ce qu'il faut. C'est parce qu'il n'est pas réveillé avant, donc il se rend pas. La sirène. Non, il fait la sirène lui-même. Il fait lui-même, en fait. C'est énorme. C'est bon. Et voilà. Voilà, très bien. Fais péter la sirène à coup comme ça. Les gens, ils n'en ont rien à foutre. Ils nous ont regardé comme... C'est pas grave. Ils ont regardé Caillou. Ce n'est pas grave. Le principal, c'est que le message soit passé. En plus, il court après une demoiselle. Ouais, bah écoute. Dis-lui de se calmer avec sa tête. Il n'a aucune chance. Vous ne comptiez pas éteindre le réveil? C'est bien ce que je pensais.